réalité. Georges Bernard Shaw, 1856-1950. La difficulté ne réside pas dans le fait qu'il n'y a pas de belle réalité, mais dans le fait que très peu d'entre nous les reconnaissons lorsque nous les rencontrons.